Rebecca aux manettes, Christophe et Francis au micro. C'est Prune de Blues, le meilleur du blues actuel. Le premier jeudi de chaque mois de midi à 14h sur Prune 92 FM et sur prune.net. Bonjour à tous et bienvenue sur Prune de Blues. Bonjour Francis, bonjour Rebecca. Rebecca est aux manettes. Et puis notre cher Christophe en face est au micro. Oui, oui. Ah, c'est un micro ça, d'accord. Oui, c'était un micro. Ok. Ne le mange pas, il a faim. Et dans quelques instants, après que tu présentes, que tu aies présenté le premier titre, eh bien nous aurons aussi Fabrice Bessouat qui est déjà là avec nous. Bonjour Fabrice. Bonjour. D'accord, bonjour. Tu le prononces à la française alors, moi. Bah, je crois que c'est Fabrice Bessouat. Ah, tu tiens vraiment ça. Yes. Remontons le temps pour commencer, si tu veux bien, Christophe. Oui, oui, oui. Bah, je sais que tu aimes bien te replonger dans le passé régulièrement. Et là, on va écouter un artiste qui s'appelle Cléo Page. Alors que, j'avoue, je ne le connaissais pas il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une réédition qui a été faite par des collègues de Soulbag, là, Julien Domard, avec le label En Avant la Zizik, et qui fait des chouettes rééditions, en général vinyle, avec une belle présentation. Et là, ils ont consacré un... Alors, c'est un 33 tours qui est vendu aussi avec un 45 tours, donc 10 titres en tout. Un artiste qui s'appelle Cléo Page, qui est un chanteur-guitariste qui a officié dès les années 50 mais jusqu'aux années 70 avant un peu de disparaître, et c'est une espèce de bluesman très down home du Texas, mais moi je sens aussi des prémices de soul brut et puis voire de hip-hop sur certains morceaux. Il a eu un premier succès en 1958 qui s'appelait Boot Hill, qu'il a réenregistré dans les années 70, et c'est un morceau qui a été repris par Stevie Ray Vaughan et Johnny Winter, donc ça tassier quand même un répertoire. Et puis ensuite, c'est là que je trouve qu'il y a un peu de hip-hop là-dedans. Il a sorti un single qui s'appelle Black Man en 1971, avec un texte qui est très revendicatif pour les droits afro-américains. Donc c'est un morceau qui a fait date, mais voilà, enfin en dehors de ça, on ne connaît pas trop monsieur. Je ne le connaissais pas. Et donc cette réédition est vraiment à chercher. Mais donc là, on va écouter un autre morceau de ce disque qui s'appelle Goody Train. Il y a des belles parties de guitare, d'harmonica et de piano, et la voix est vraiment chouette. Donc Cléo Page dans Goody Train. Thank you. Prune de Blues, le meilleur du blues. Une carte blanche à Fabrice Bessouat. Eh bien, nous attaquons notre petite carte blanche, si tu veux bien, Christophe. Blanche aujourd'hui. Presque un jeu complet. Le jeu complet, mais nous n'allons pas dévoiler tout immédiatement. On va donner la parole au croupier. Absolument, donc nous avons Fabrice Bessois. Fabrice, bonjour, et puis tu es non seulement musicien, mais tu es aussi tourneur avec... J'allais dire un label, non, c'est une boîte de booking, hein, booking qui s'appelle Soul Shot. Tout à fait. Alors, on t'a ouvert le micro pour quelques titres, 6, tu en as choisi, ouais. Que tu vas nous présenter. Oui, tout à fait. En fait, déjà, merci de m'avoir invité. J'écoute énormément de musique, différents styles, mais il y a quelque chose qui me touche énormément, c'est les voix. Et notamment les voix assez soulful, comme on dit. Et à travers ça, ça peut être vraiment très très blues, comme très rock, même du reggae, parfois je peux écouter. Il y a des chanteurs qui me touchent énormément. Donc là, quand tu m'as proposé 6 morceaux, c'est difficile de choisir 6 morceaux. Ouais. J'ai essayé de ne pas faire trop blues, mais malgré tout, il y a une bonne base de blues. Mais c'est aussi pas mal d'artistes qui m'ont touché, et certains que j'ai pu rencontrer, et qui m'ont énormément inspiré. Donc je tenais à les mettre un peu en avant. Eh bien, on va commencer cette compilation, si je puis dire. C'est pas vraiment une compilation, puisqu'on écoutera quand même les titres complets. Mais tu nous en diras quand même un petit mot à chaque fois. Pourquoi ce choix ? Tout à fait. On commence par Little Milton, il me semble. C'est ça. Donc c'est en live à Montreux, en fait, qui est un grand classique, avec une équipe qui est redoutable, et notamment la section rythmique de B.B. King, notamment le batteur que j'aime beaucoup, Caleb Humphrey. Et voilà, pour moi, ce live, c'est une référence parmi d'autres lives, parce que la manière d'amener, de jouer cette musique-là avec un tel chanteur, Little Milton, c'est vraiment exceptionnel et ça me touche beaucoup parce que sa voix, c'est son jeu de guitare, mais aussi l'accompagnement du groupe et notamment ce qu'on appelle les dynamiques, c'est-à-dire ça peut jouer très très fort comme ça peut jouer vraiment très très doux. Et il y a un panel de nuances qui fait que là, la musique, elle est vraiment vivante, quoi. I gave you all my love. Don't you abuse it. I gave you tender love and care. Oh, baby, don't misuse it. If you got somebody, you got some money else on your mind, I want you to please, oh please, baby, let me down easy. Mr. Mike, I've sweated and toiled for you, baby, and I know you know it. But if you got any appreciation for me, oh, you got a sad way of showing it. If you got somebody, someone else on your mind, I want you to please, please, please, baby, let me down easy. That a man is supposed to do. jump me, because you know I'm a fool for you. If you got some money, I don't have mercy. Oh, if you got someone else on your mind, I want you to please, baby, let me down easy. Oh, baby, let me down easy, yeah. Don't love me so fast. Oh, no, no. Would you let me down easy? If you'd let me down easy, it would be all right, baby. You know I don't mind begging you. Les auditeurs ne le voient pas, mais on a un batteur dans la salle. Il y avait un cours de air batterie là. Enfin, grosse leçon de tension détente quand même. Ah, là, enfin, ce que tu as appelé la dynamique. Ouais, c'est ça, c'est vraiment. Là, il y a tout quoi. C'est-à-dire les relances, la ponctuation par rapport au chanteur, chaque mot. C'est une grande école là. Oui. Alors, belle voix, belle guitare, belle section de cuivre. Enfin, ouais, c'est pas mal ce petit groupe. Ouais, ils sont prometteurs. Hein. Oui, c'est ça. Nous sommes avec Fabrice Bessouat. Donc, Fabrice qui nous fabrique aussi de belles playlists. Belles playlists de soul. Alors, on rigolait là, à l'instant parce que tu m'y mets la batterie. Mais oui, tu es batteur. Hein. Tu es batteur avant tout d'ailleurs. Ouais, tu fais tourner des groupes dans lesquels tu joues. Ouais, tout à fait. En fait, ça fait déjà pas mal d'années, une quinzaine d'années où. Au départ, c'était accompagner des artistes français, et puis d'être allé beaucoup aux États-Unis, j'ai rencontré beaucoup d'artistes américains. Et évidemment, j'ai réalisé qu'ils avaient besoin de travailler et qu'ils cherchaient des intermédiaires pour venir jouer en Europe. Et je fais partie de ces intermédiaires, mais il y en a plein d'autres en Europe qui font le même boulot que moi. On est musiciens et tourneurs. Et puis, il y a plusieurs batteurs comme ça. On avait sorti des interviews de Nicolas Dehay, de Fabrice, Pascal Delmas et Denis Agenet, trois batteurs tourneurs. C'est la guerre entre nous, hein. C'est vraiment la compétition. Oui, vous avez l'air de vous détester en plus. C'est bien. On enchaîne. Oui, on enchaîne. On va enchaîner avec toi, Fabrice, toujours. Avec plaisir. On va changer un peu de registre. Là, on va passer à une voix féminine. Tout à fait. Alors, en fait, Alabama Shakes, la chanteuse, c'est un groupe, avec une chanteuse qui s'appelle Brittany Howard. Moi, ça a été un coup de cœur il y a plus de, 7-8 ans. Dès que j'ai vu un premier concert, pas en direct, sur YouTube, je me suis dit, mais c'est quoi cet événement, ce groupe, cet ovni? Et depuis, je la suis. C'est vraiment très rock, très soul, très gospel. C'est Americana aussi, donc ça touche différents genres. Mais elle, encore une fois, là, on a affaire à une sacrée chanteuse. Qui a un style bien unique et beaucoup de présence. Beaucoup de présence sur scène. Hein. C'est dingue quoi. Et vraiment, elle toute seule, déjà guitare, chant, elle fait tout quoi. Mais en plus, derrière, voilà, avec Alabama Shakes, individuellement, on peut pas dire que ce soit des musiciens d'un grand niveau, mais alors le son de groupe et l'accompagnement et au service des chansons, là aussi, c'est une grande école quoi. On écoute. Thank you. but you can always come around. Why don't you sit with me for just a little while? Tell me what's wrong. Il y avait encore de la R batterie. Oui, oui, il a l'air de maîtriser ses morceaux, disons. On va dire que je les ai écoutés quelques fois. on devrait filmer en même temps. Une chanteuse, donc, Alabama Shakes, et un guitariste nommé Sean Costello. Ouais, la prochaine artiste, je pouvais pas passer à côté de Sean Costello. Bah ça, on l'adore. Hein. Ouais, puis voilà, il fait l'unanimité. Il est passé à Nantes, à un concert au Ferrailleur. Où il a marqué la scène nantaise. Ouais, bah, toujours. Et puis aussi, il a été passé pour Almin Jam aussi. Et puis voilà, tous les Nantais l'ont adoré. Et moi aussi, j'ai pu le rencontrer d'abord en Arizona, puis après au stage à Tournon d'Agenais. Et on s'est liés d'amitié, etc., etc. Et donc depuis, ouais, c'est quelqu'un qui me manque énormément parce que malheureusement, il est parti trop jeune. Et dès que je peux, je réécoute ses albums. Et cet album-là particulièrement qui s'appelle Sean Costello, il est fabuleux parce que production est redoutable et on lui a proposé deux invités. Et habituellement, ça va être des chanteurs, des guitaristes. Et lui, il avait voulu des batteurs, en fait. Et il t'a invité ? Non. Non, c'est pour ça qu'on a mais pas aimé ce disque. Il était trop jeune, Fabrice, non, à l'époque. Ça. Non, mais il n'avait que 5 ans. Ce morceau-là, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est quand même Levon Helm, le batteur The Band, et il était très proche. Et ce morceau-là, je le trouve redoutable, c'est une reprise de Bob Dylan. Et franchement, ce morceau, Sean, il amène quelque chose de particulier, c'est, il revisite ce classique, qui s'appelle Simple Twist of Fate. Thank you. out in the park. As the evening sky grew dark, she looked at him and he felt a spark, a tingle to his bones. And then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well. Then stopped into a strange hotel with the neon burning bright. He felt the heat of the night, a head out like a freight train moving with a simple twist of fate. A saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, and the light burst through a beat up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup of a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. They didn't care and pushed the window open wide. Felt an emptiness inside to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clock and walks along with the parrot that talks, hustled down by the waterfront docks where sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must you wait? One more time for a simple twist. Tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, oh, but I lost her aim. She was born in spring, but I was born too late. ça reste émouvant, hein, toujours quand s'agissant de Sean Costello. Ouais, c'est un pincement au cœur à chaque fois, et j'ai du mal des fois à l'écouter, mais bon, quand même, voilà, je suis fier d'avoir rencontré, et c'était un des grands, et voilà, ça touche toujours. Oui, alors tu vas nous parler d'un autre grand, qui est pareil, qui a un peu changé d'orientation dans sa vie, et c'est bien dommage. Mark Theis, ouais, je crois, son vrai nom, T. En flamand. Le belge. Ouais, T, c'est le nom de son groupe. J'ai pu le découvrir, le rencontrer lors du stage à Tournon d'Agenais, encore une fois. Encore une fois. Grâce à Christian Boncourt et aussi grâce à Anthony Stelmazac, à l'époque, guitariste, qui m'avait dit il faut absolument que tu le rencontres. Et je lui avais fait confiance. Donc, cette équipe-là, T, c'est juste la référence dans les années 90 et les années 2000. En tant que groupe de blues, avait notamment le batteur de référence, mon mentor, qui s'appelle Willie Hayes. Willie Mays. Mays, pardon, Mays. Je confonds avec Mays, le Chicago. Hein, chaque fois, je me trompe. Ouais. Et voilà, Renaud Le Cire, la basse, et au clavier, je ne sais plus qui c'était. Mais franchement, cette équipe-là, sur scène, c'est redoutable. Et Marty, le chanteur, leader, guitariste, il a fait que 2 albums. Et c'est des chefs-d'œuvre, quoi. C'est-à-dire qu'il a tout fait. C'est lui qui a écrit, c'est lui qui a enregistré, c'est lui qui a produit, mixé, etc. C'est vraiment des albums référence. Donc, à l'occasion, là aussi, je réécoute ça et c'est toujours un plaisir. Alors, il s'appelle comment le titre ? Il s'appelle That's How Cold. 2002. Une carte blanche à Fabrice Bessouat. My lawn. That's how cold your love has grown. You freeze me when you kiss me, turn my breath to snow. That's how cold was grown. There ain't enough heat in hell to melt my heart again. There's no one in this whole wide world to let me love again. Vous êtes sur Prune de Blues, le goût du blues dans les oreilles. Ah, chers auditeurs, si vous voyez là, c'était studio, du tout le monde rythme, tape des pieds, secoue la tête et notre batteur préféré n'a ben pas là, fait attends, son show d'ailleurs. On lui laisse le temps de redescendre de la table. Non mais il n'y avait pas de fin, ce morceau ça descend, il n'y a pas de mise en place. Non, ben, ce couple-là il s'appelle Lettuce. Et que tu traduirais par quoi? Ouais, Lettuce en anglais c'est laitue. Hein. Bah oui. Ah oui. Mais donc ils ont un logo, c'est la laitue, tout ça. Mais en fait c'est un groupe new-yorkais que j'ai découvert là-bas et que j'ai suivi, et en fait c'est vraiment le retour à la funk et c'est un groupe qui tourne énormément. Moi je les ai vus dans les clubs, maintenant ils se font des gros stades, des grosses salles, et un artiste comme Bootsy Collins a produit leur dernier album. Et là le chanteur qui est un peu leur invité s'appelle Nigel Hall. C'est un mélange de James Brown et Donny Hathaway. C'est un chanteur très très sollicité qui vivait à New York et maintenant s'est installé à la Nouvelle-Orléans. Il joue avec tout le monde là-bas. Quoi. Donc voilà, ce morceau-là. Donc c'est pas des salades. C'est vraiment pas des salades. Il fallait que je la fasse en direct. C'est ça. Et donc ce morceau. Vous pouviez pas y échapper. Non. Do It Like You Do. Voilà, s'il y a bien un morceau qui est funky, c'est bien celui-là. Oui, c'est le dessus du panier. Un morceau de 2000. Lâche-moi. Donc c'est un morceau de 2012, j'essaie de reprendre le fil de 2012, nous voguons vers l'avenir en 1998. Ouais, tout à fait l'avenir. C'est pour moi un des chanteurs incontournables, la voix de venant de Memphis, et j'ai pas pu le voir mais je le suis énormément, je l'ai écouté beaucoup, des lives lui, avec lui tout seul ou avec B.B. King. Et dans ce live-là que j'ai choisi, ce morceau s'appelle I'll Take Care of You. C'est un live à Lucerne, en fait, en Suisse. Bon, ben là aussi, grande classe, grande école. C'est l'école gospel pour moi. C'est vraiment ça qui me touche énormément dans ce morceau. Et c'est vrai que j'ai choisi pas mal de morceaux assez longs, mais il y a une ambiance et il y a évidemment, encore une fois, un grand chanteur. Quelle sauce! I know you've been hurt. By someone else, and I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, Lord, and here's what I'll do, then I'll take care of you. And I, who have loved and lost, the same as you. So you see, I know, Lord, and that's what you've been through. But if you let me cry. Oh Lord, and here's what I'll do. Then said I've got to take care of you. And you won't ever, my Lord, have to worry no more. Well, then you. I said you'll never have to cry no more about it. Now, oh Lord, I'll be right there beside you. Just wanna drive. I said, I know what I want to do. And just as sure, oh my Lord, I worry. Then why don't you tell me right now that I want to take care of you. Late in the midnight hours, I said, when you don't have your main squeeze there, it makes it hard, I know. It makes it real hard on you. Said I'm tired. I'm tired of crying. And I'm tired of lying. Well, oh my Lord, and then my kind of love feeling, and nothing more than feeling. Thank you. Thank you very much. Ah bah c'est coupé, c'est ouais, quick. Non, on rigolait un peu hors antenne. Gros orchestre quand même là, hein, dis donc. Ouais, gros gros festival, gros orchestre, ouais, hein, y a pas de, y a pas de secret. Ouais, big band, grosse section, et puis vraiment les ambiances très gospel. Et un chant, comme on disait Christophe, en effet, ça fait partie des grands chanteurs, il y a des choses qui plaisent, d'autres moins, on va dire. Mais ça reste quand même une interprétation et un des grands interprètes, quoi. Ça c'est sûr, quoi. Qui me plaît beaucoup. Carte blanche avec Fabrice Bessouat, musicien et tourneur en même temps. Et avec toi Fabrice, eh bien, nous avons déjà écouté 6 titres. Hein. Un dernier que tu vas nous présenter. Ouais, bah, écoutez, je ne pouvais pas passer à côté de... ce duo qui a été enregistré sur le dernier album d'un grand chanteur de soul qui s'appelle Wee Willie Walker. Et bah, en fait, il s'adorait avec Curtis Salgado. Et Willie Walker l'a invité sur son dernier album. Et ils ont revisité un grand classique qui s'appelle Help des Beatles. Et l'arrangement, l'interprétation des deux chanteurs, l'émulation, comment ils s'écoutent, comment ils répondent et questions-réponses, comment on l'appelle. Bah, ça fait partie des morceaux que je trouve extraordinaires. Et j'ai pu rencontrer ces deux artistes au cours du festival de Poretta qui a lieu en Italie. Et vraiment, bah voilà, quoi, c'est des vrais, vrais chanteurs de soul. Alors Curtis, tu le connais d'autant mieux que tu as tourné souvent avec lui. Tout à fait, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble et on s'adore. Hein. Et on t'avait vu au rendez-vous de l'herbe. Tout à fait. Avec lui. Ouais, un grand moment. Ouais, c'était chouette. Merci, merci avant d'écouter Willie Walker et Curtis Salgado, merci à toi. Avec Fabrice, grand plaisir. D'être venu présenter comme ça quelques titres. Hein, tout à fait. De soul. Ben oui, mais de bonne musique. Outrageusement soul. Ouais, non, ouais. Ah, complètement ouais. Assumé. Oui, non, merci c'est à vous. Très bien, et puis c'est de la bonne musique, c'est ça qui compte. C'est ça. Merci à vous en tout cas, c'est un plaisir. À bientôt. À bientôt Fabrice. Salut. Hey, Curtis, come on in and let's do this. All right, come on. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now those days are gone. I hear you, Curtis. I'm not so self-assured. Now I finally changed my mind and I opened up the door. So help me if you can. Yeah, come on. I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Yeah. Help me get my feet. Would you please, please help me? Please help me. Sing it. Now my life has changed in so many ways. My independence seemed to vanish in the haze. But every now and then I feel insecure. I know that I just need you like I never done before. Younger than today. now those days are gone. I'm not so self-assured. Now I finally changed my mind and hey. Opened up the doors. Oh, help me if you can. I'm feeling down, feeling down, and I do appreciate you oh, being yeah. around. Oh, oh, help me oh, get my feet on the ground. Won't you please? Avec Rebecca, Christophe Moreau et Francis Ratto. Eh bien, nous avons écouté beaucoup de soul music, mais pas que, avec Fabrice Bessouat, hein, qui est encore dans les studios, n'est-ce pas, discrètement. Oui, il dort là. Alors, j'avais envie d'enchaîner avec encore de la soul, mais cette fois-ci avec une révélation française que notre ami Fabrice ne connaît peut-être pas, mais toi que tu connais. Yes. Il s'appelle Thomas Kahn, il est donc français, il est même auvergnat. En plus, oui, c'est des choses qui arrivent. Et on le surnomme déjà le petit prince de la soul. Thomas Kahn, on le compare déjà sa musique à celle de la soul glorieuse de James Brown. Bon, oui, je nomme ça. Ouais. D'Aretha Franklin, alors oui, évidemment, oui, oui. Il va falloir qu'il se féminise un petit peu. Ou d'Otis Redding. Hein. Mais c'est vrai que c'est oui, vrai. Oui, il manque des noms, ils auraient pu en rajouter d'autres. Mais c'est vrai, et vous allez l'entendre, il a une voix incroyable. Et on a vraiment l'impression d'entendre un artiste américain, d'ailleurs. Bon, c'est vrai que le genre est une épreuve de vérité, finalement, une sorte de détecteur de sincérité, si je puis dire, hein, la soul musique, hein, qu'on ne saurait approcher sans risquer l'imposture, s'il n'y figurait pas la petite étincelle qui change tout. Et Thomas Kahn, je trouve, a tout ça. D'ailleurs, son album se nomme « This is Real ». Et les médias et les grandes salles se l'arrachent déjà. Il a des tournées incroyables. Et nul doute que nous le verrons en 2023 dans les grands festivals de l'été. Un titre de Thomas Kahn, « Don't Look at Me ». You can't be wrong. I can't love you no more. No way. You got to leave the house. Day but I'm a top down. My soul to top down. My body is already gone for good. Yeah. I left you crying on my bed, but I know it would be better days coming. I left you alone with your pain, and I'm sorry. When I talk like this, what I'm gonna tell you, I hate myself. Trusted the peace and a couple, you damn right. I just did the bad thing, I'll be damned. But I know, no, no, I know, no, no, I know, no, no. Will you only understand? I left you crying on my bed, but I know there will be better days coming. I left you alone. Don't look Et voilà. Il a une belle voix tout de même. On était encore parti dans de la air batterie avec Fabrice. Thomas Kahn, donc notre Auvergnat de la soul. Oui, ouais, il chante bien et il y a vraiment une belle musique et tout. Donc un très très beau premier disque, on va dire, et bah, j'espère que ça continuera. Et oui, on l'espère tous. Hein. Mm. Une autre découverte aussi. Alors oui et non, oui et non. On va parler bien, hein. Du chanteur harmoniciste Grant Dermody qui est né dans l'état du Washington et qui s'est basé en Louisiane parce qu'il cherchait un endroit où la culture et la musique ne faisaient qu'un, et c'est ça qu'il a trouvé en Louisiane, donc c'est vraiment quelqu'un de convaincu. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, on le découvre pas parce qu'en fait il avait déjà sorti un disque dont on a passé un morceau dans Prune de Blues qui s'appelait My Donny, qui est sorti en 2020, et là cette année il a sorti deux disques, l'un acoustique avec le guitariste Frank Fotuski, mais on va écouter un morceau de l'autre qui est dans la lignée de My Donny, donc plus électrique, etc. Moi j'aime beaucoup Grant Dermody, je trouve qu'il a une voix vraiment sympa, un jeu d'harmonica qui est assez particulier, beaucoup dans les graves, etc. Puis une bonne ambiance louisianaise, à la fois dansante, mais en même temps un peu sombre, un peu étrange, tu vois, comme s'il y avait des esprits qui rôdaient là-dedans. Donc on va des écouter... Des mojos. Voilà. On va écouter un morceau de ce disque. Le disque s'appelle Behind the Sun, donc derrière le soleil, et le morceau s'appelle Tell Me. Time in another man's mind. Oh, baby, I thought we was having fun. Tell me what you're doing, babe. Don't tell me what you've done. Sitting in the evening sun, sort of look like rain. I'm wondering why you had to go, if you'll come back again. Oh, baby, you keep on drifting with the wind. Tell me where you're going, babe. Don't tell me where you've been. Nothing you can do, but it hurts so bad to hear you say I ain't got room for you. Oh, baby, before I set you free, tell me who you're loving, babe. I know it sure ain't me. Voilà, Grant Dermody. Pour ceux qui ont l'oreille aiguisée, vous avez entendu un accordéon, et c'est Corey O'Day à l'accordéon sur ce disque-là, voilà. Comme sur le précédent d'ailleurs. Ton favori. Ah ben, deux personnes que j'aime bien qui font des bonnes choses, ça peut être qu'un bon disque, quoi, c'est super. Et puis je te voyais mimer avec Fabrice la fin, la batterie. Bah, j'ai fait le fameux final où il va taper sur le devant de la cymbale, là, puis ensuite il l'attrape pour qu'elle arrête de résonner. Bon, bah, c'est ainsi que se termine cette première partie, mais oui. Nous en avons une seconde. On a eu la touche, Fabrice, et on va voir la touche. De groove. De groove. Oui, c'est notre live, donc enregistré cette fois-ci au Zygo Bar. Zygo Bar. Nous alternerons certainement un coup Caboulot, un coup Zygo. Zygo Bar, des cafés où il se passe beaucoup de choses. Hein, toujours. Des concerts. Et avec un groupe de la région parisienne. Oui. Qui se nomme Touch of groove. Groove. Merci Rebecca. Merci Fabrice d'être resté jusqu'au bout. Et merci à, merci à tout le monde, c'était encore chouette. Bye. Vous êtes sur Prune de Blues, le goût du blues dans les oreilles. Bonsoir à tous et bienvenue sur Prune de Blues Live. Prune de Blues Live en direct du Zygo Bar. Déjà un premier merci à Abou pour son accueil. Et on a le grand plaisir, mais vraiment le grand plaisir, d'accueillir le groupe Touch of Groove qui vient de région parisienne, qu'on a déjà vu hein, ici dans les parages, puisque on les a vus au rendez-vous de l'Erdre, on les a vus à Montfort Blues. Donc c'est un grand plaisir de vous accueillir à nouveau. On a de la chance, il faut le savoir, on a de la chance. Donc on va accueillir Sylvain Lansardière au clavier, Pascal Guégan à la guitare, Pascal Diouf à la basse, Olivier Marchevin à la batterie, et qui seront rejoints par Letty M au chant. Touch of Groove. And tell me when to go at night. But as long as I get to then walk my mind. yeah. You could get them canceled. We'll just keep on playing, yeah. Not as long as I got to lay up my mind. I'll get through. To a life well fulfilled. I'm here. sur Goût. Prune de Blues Live en direct du Zigo Bar ici à Nantes. Merci à vous. C'est une belle entrée en matière. Merci à vous. Voilà. Sylvain, je vais... on va parler un peu ensemble. On parlera aussi avec Letty tout à l'heure. Mais d'abord avec toi, parce que je crois que tu es quand même pas mal à l'origine de cet ensemble. Oui, ce groupe, ce... tu venais pas de nulle part non plus, hein, parce qu'on avait déjà eu le plaisir de te voir avec Élise et les Sugar Sweets. Absolument. Au rendez-vous absolument. De l'air aussi. Oui, absolument. Donc on a une sorte de liaison, en fait. Hein, on va dire ça comme ça. Ah bon ? Mais justement. Ouais, j'ai décidé qu'il fallait le dire, oui. En fait. On ne peut plus se cacher. D'accord. Bon, Élise et les Sugar Sweets, c'était quand même pas n'importe quel groupe non plus. Non, c'était une super donc expérience. C'est une transition que tu as faite. Comment est-ce que justement on peut passer de quelque chose qui marche bien à quelque chose qui marche bien aussi, mais des changements de projet comme ça, c'est quand même important. J'ai eu peur. Je m'en sors pas mal quand même. Ouais, hein. Non, mais j'étais acrobate dans une autre vie. Eh ben oui, les Sugar Sweets, Élise and the Sugar Sweets, c'était une très belle rencontre, une très belle expérience avec les amis Olivier Raymond, les frères Ferrier, puis Elisa, etc. Enfin, et en fait, c'est vrai que ça m'a donné des idées. J'ai eu la chance de pouvoir composer trois chansons sur le premier album. Voilà. Et puis, ben voilà, comme je le disais, ça m'a donné des idées. J'ai eu envie de prendre un tournant peut-être un peu plus soul 60s. Puis du coup, voilà, ça m'a donné envie de créer mon propre projet, quoi. Voilà. Oui, c'est ça. Mais auquel tu as quand même donné un nom collectif. Oui, voilà. Absolument. Donc, oui, absolument. Un nom qui est sympa en plus. Moi, je le trouve sympa à plus d'un titre. Donc, Touch of Groove, oui. Que tu vas nous expliquer, bien, oui, sûr, bien pour, sûr, pourquoi ce nom-là. Et puis, c'est un nom qui a un bel abrégé, TOG. C'est absolument, pas mal. Que absolument. Vous avez mis en évidence sur le logo. Mais oui. Mais voilà, je trouve que c'est. Enfin, je ne sais pas si ça a été fait exprès. Mais en tout cas, la coïncidence est heureuse. Donc, pourquoi Touch of Groove ? Touch of Groove, ben c'est un peu la liaison en fait de ce que j'avais envie de faire au départ, c'est-à-dire que enfin mon idée était un projet soul, enfin d'inspiration soul 60s, hein, d'inspiration parce qu'on n'est pas évidemment sur un copier-coller. Je trouvais que dire que peut-être avec un peu de modestie on amène une touche de groove, c'est un peu moins ostentatoire que de dire d'y arriver avec des gros sabots, quoi. On amène modestement une touche de groove dans un monde de brut, j'en sais rien, je sais pas. Voilà. Très bien. Et donc le TOG, c'est un heureux hasard. C'est un heureux hasard. J'avoue que quand j'ai trouvé Touch of Groove, j'ai en fait TOG, m'ont sauté aux yeux. Je me suis dit, bon, alors là, le logo, il est trouvé. Hein, je oui. Voilà. Vous êtes arrivé très vite avec un disque déjà entre les mains. Oui. Un beau disque. Oui. Très bien conçu. Enfin, on parle du logo, de la pochette, mais on parle aussi des compositions. Oui. Vous allez jouer, je crois, que des compositions, oui, ce soir. Peut-être une reprise. Une reprise, juste qui est également sur l'album, qui est un clin d'œil à, voilà. Et mais sinon, oui, effectivement, ce soir, enfin tout ce que les deux morceaux que vous venez d'entendre, ce sont deux compos, et puis ce que vous allez entendre par la suite aussi, et voilà, on vous réserve une petite surprise sur la fin. Voilà. Oui, on verra ça. Enfin, si je peux me permettre, le fait d'arriver justement avec ce niveau musical là, c'est aussi un peu grâce à vous tous, parce que enfin tous les musiciens qui sont là sont quand même, c'est pas des débutants, si on peut dire. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe, ah, justement? Bien sûr. Touch of Groove, c'est clairement c'est un groupe, c'est cinq artistes. Je commence d'abord par les musiciens, puis je finirai par la plus belle. Ça me permet de... ça fera une belle transition, hein, tu verras. Voilà. Et... Tout seul, c'est pas dur. Je commencerai par le plus connu, le loup blanc, on va l'appeler. Hein. Paco, Pascal Guégan. Pascal Guégan, c'est Blues Power Band, c'est Paco Duke. Exactement ça. Voilà, c'est Blues Power Band, c'est quand même un groupe qui a porté le blues et le blues rock pendant plus de 12 ou 15 ans, 20 ans, bon, oh là là, qu'est-ce que je dis, ouais. Et Paco est le fondateur de ce groupe avec 6 albums, hein, ouais. C'est ça, 6 albums, un DVD live, enfin bref, Paco, c'est quelqu'un, voilà, c'est la grosse expérience du groupe, quoi. Et c'est aussi une rencontre au Rendez-vous de l'Erdre il y a pas mal de temps, ça devait être la première ou la deuxième édition, si je me souviens bien, du tremplin. Voilà, donc, et puis alors avec Paco, ben, évidemment, on a eu l'occasion, quand je jouais avec Élise and the Sugar Sweets, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de faire des plateaux en commun. Et le dernier plateau en commun que j'ai fait avec Élise and the Sugar Sweets, où nous étions tous les deux, j'étais en train de travailler et de monter le projet Touch of Groove. Je cherche un guitariste. Et là, on discute de nos projets communs. Il me parle de, Paco Duke, je lui parle de Touch of Groove. Et puis d'un seul coup, je lui dis, mais attends, mais t'es guitariste, toi. Et voilà, fait, je lui ai proposé. J'ai eu la chance qu'il m'ait dit oui. On a commencé à travailler ensemble. Nous avons été rejoints. Alors, on s'est retrouvés d'abord à trois avec Paco et Letty. Mais je veux volontairement parler de Letty en dernier, si vous me le permettez. Je vais parler de Pascal Diouf à la basse et d'Olivier Marchevet à la batterie qui nous ont rejoints il y a à peu près un an et demi. Et puis, donc Pascal Diouf, c'est l'aîné de la bande. Hein, c'est le monsieur qui a joué de la basse dans les années 60, vraiment. C'est joliment dit. Donc lui, quand il parle de soul et de groove, il sait un peu ce que c'est parce que lui, il l'a fait à l'époque, vraiment. Ouais. Excellent musicien, compositeur de musique, arrangeur, etc. Enfin, c'est un grand artiste. Olivier Marchevet à la batterie, grand professionnel qui a fait des scènes internationales. Je ne sais plus exactement ce qu'il a fait avec un grand cinéaste, Woody Allen. D'accord. Monsieur a travaillé avec Woody Allen quand Bravo. Même. Bravo. Voilà. Voilà. Olivier est dans plein de projets de gospel, des projets de jazz, des projets plus de pop rock, etc. Et puis on a la chance d'avoir Pascal et Olivier qui nous rejoignent. Il y a un an et demi, donc comme je le disais, et vraiment, voilà, ça finalise vraiment la belle team que c'est, quoi. Voilà. Et tu termines par Je sais plus, j'oublie quelqu'un. Alors Letty M, mesdames et messieurs, je pense que vous pouvez l'applaudir parce que vraiment elle le mérite. Letty, c'est la rencontre, quoi. Voilà, quand on crée un projet, évidemment, il faut des musiciens, mais qu'est-ce qu'un projet musical sans un chanteur ou une chanteuse qui va le porter, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Hein. Et là, la petite histoire, c'est que moi, au départ, j'avais en tête de prendre un chanteur. On me demandait pas pourquoi, hein, c'est juste une histoire de couleur, de son, etc. Et puis Letty a eu la très très très très bonne idée de dire « oui, moi je vais envoyer quand même ma maquette ». Et puis quand on s'est vu, on a fait une séance, première séance, quoi, on se voit, on joue ensemble. Et il m'a fallu environ 5 secondes pour me dire « ça sera pas un chanteur, ça sera une chanteuse et ça sera Letty ». Et depuis, voilà, en plus d'être une très bonne chanteuse, c'est une très belle artiste qui écrit des textes, qui écrit de très beaux textes. Les chansons que vous allez entendre ce soir sont écrites par, les textes sont de Letty. Et Paco aussi, j'en ai pas parlé, mais Paco est aussi un très bel auteur. Et ce soir, on va vous interpréter aussi des chansons qu'il a écrites également. Voilà. Au passage, ce que je note, c'est que tu dis que vous avez fait, donc Elise et les Sugar Sweets ont fait des plateaux avec Blues Power Band, mais moi je me souviens qu'un petit peu avant, Shaky O'Ribs faisait des plateaux avec Blues Power Band, et ça fait, voilà, ça fait quand même des gens qui sont un peu tournés autour, qui ont fait des choses en commun, un peu séparément, puis qui sont revenus ensemble. C'est une belle histoire d'amitié, ça aussi. Mais c'est ça, c'est, de toute façon, bon, c'est un peu classique à dire, mais c'est, on a un groupe d'amis, on est une petite famille, et c'est vrai que alors ce qui est génial dans tout ça, c'est qu'il y a zéro rivalité. Enfin, je veux dire, on est tous les uns les autres à s'aider, à se porter, à se donner des coups de main quand il faut. Et c'est ça la beauté de la chose, quoi. Alors, on va passer un petit peu à toi, Letty, si tu le veux bien. Mais d'où te vient cette incroyable voix soul? Qu'est-ce qui t'a amené au chant et justement à la soul, quoi? C'est quoi ton histoire? Le chant, je crois que ça a été depuis toujours, hein, depuis petite, même au niveau instrumental. Je jouais du piano, j'ai appris ensuite la guitare en autodidacte. Et puis, petit à petit, en fait, forcément, quand on fait de la musique et qu'on aime chanter, on rencontre des artistes. Donc on se met à faire des bœufs, on se met à apprendre à jouer en public, et puis on prend le goût. Et j'ai touché un peu à tous les registres, on va dire, mais la soul music, c'était vraiment quelque chose que j'adorais depuis toujours. Et donc voilà, par chance, je suis tombée sur l'annonce de Sylvain par hasard, et là je me dis, ah yes, un groupe qui fait quelque chose que j'aime, bon merde, ils veulent un chanteur, on teste quand même. Et puis j'ai bien fait, quoi, ça l'a fait. Oui, enfin, tu parles de soul, t'as aussi fait de la pop rock, de la country, et puis alors, il y a un genre, tu vas dire, le groupe s'appelait Feeling Zouk Celtic. Donc, il y a Zouk et Celtic là-dedans, donc je... Parle-nous un peu de ça, juste 30 secondes, quoi. C'est pas cool. C'est intéressant. Oui, en fait, c'était un projet où on était 7 artistes. Et donc, en fait, la personne qui était à l'origine du projet était martiniquais. Et donc, il a voulu mélanger au style zouk essentiellement au niveau instrumental, en fait. Hein, les instrus celtiques, donc il y avait harpe, violon, flûte traversière. Et c'était essentiellement ces trois instruments, en fait, qui amenaient la touche celtique. Et puis, en plus, tu ne fais pas que chanter, parce que tu es aussi... Enfin, si, tu es professeur de chant. Ouais. Et puis, je crois que tu es aussi organisatrice d'événements. Tu fais de la com, du marketing. tu fais tout, quoi. C'est ça. Ben, on va dire que chaque facette est utile à une autre, en fait. C'est complémentaire. Et dans... Super. Alors, on dit que tu transmets une vibration organique à Touch of Groove. Donc ils ont déjà posé la question. je ne comprends pas cette question. Voilà. C'est Francis qui me l'a donné, cette question-là. Ah, ben voilà, voilà. Voilà, ça m'étonne donc, pas. Francis, dont on rappelle que malheureusement, il ne peut Francis. Pas être avec nous parce qu'il a été atteint du Covid, mais c'est lui qui m'a passé celle-là. Bref, on va écouter justement cette vibration organique de groupe et vous repassez la scène et les micros pour trois titres. Touch of Groove, en direct de Prune de Blues Live au Zigobar. Hey people, listen to me. Come on people, and trust in me. You know what I'm saying is true. Well, that is what a roller wants from you. No matter you feel, you don't need to know what's real. All you gotta do is listen to me. Yeah, listen to daddy. Hey children, hear what I say. Father's talking, got to obey. As your parent, I will think for you. You only know what I want you to. Cause I don't care how you feel. No, I don't give a damn that's real. All I gotta do is listen to me. Yeah, listen to daddy. Who said you could think by yourself? Whoever sent you home to what you say? Don't you even bother to complain. Your only right is to shut down your pain. Be a good girl, a good boy, that's it. Cause if you don't, there'll be punishment. I am the authority on here. I want to be, did I make myself clear? You could think by yourself. intimidation, pressures, threats, abuses, growing fears. No way to escape. Machine guns and synapses on your curtain, always drawn. A faceless form. Constant repression. Hear the wheels slam. Time for retaliation. Getting worse all the time. You can forget. The damn betrayal. people of the day. Miss Letty au chant, mesdames et messieurs. Monsieur Paco Guégan à la guitare. Summer we won't forget. It's about whatever comes to mind, but I don't know yet. We dance, we sing until late at night. We scream and chocolate with me once and turn it up. I go every day to enjoy the place I missed. From the fancy to race to the famous Disney parade. Today, chances are gonna make them knock your door. You can't expect it. I will not restrict myself. No, I won't wait. Freedom is priceless. Oh, don't you think? Touch of Groove, toujours au Zigobar, toujours dans Prune de Blues Live. Paco, tu peux t'approcher du micro, s'il te plaît. Alors Paco, on va d'abord se permettre de saluer en toi un collègue, parce que tu animes aussi une émission de radio qui doit s'appeler Alpha Blues, si je ne me trompe pas, et tu es aussi dans la galaxie Blues Café Radio. J'ai ce bagage avec moi, oui. Voilà, tu as quand même un sacré parcours, hein, notamment on a parlé de Blues Power Band tout à l'heure, bon, qui est un projet qui est au mieux en sommeil et qui n'existe plus forcément. Il est en sommeil. Il est en sommeil, voilà. Un bon sommeil, de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Et puis, il y a cet autre projet qui a été mentionné aussi, Paco Duke. Donc, parle-nous un peu de ça. Oui, et bah, comme Blues Power Band était un peu trop en sommeil, en fait, on avait un peu de mal à retrouver une direction artistique. J'ai dit, attends, moi, je n'ai pas composé pour rien, donc j'ai gardé ça comme base pour créer un album solo. Que j'ai enregistré avec le batteur de Blues Power Band, puisque c'est avec lui que j'ai fait les sessions d'enregistrement. Mm-hmm. Donc ça s'est fait naturellement comme ça, c'était le moment. J'en avais envie, je l'ai fait, donc j'ai écrit, composé, chanté, joué, voilà, j'ai pendu mon œuf. Voilà, d'accord. Et donc, je dirais malgré ça, parce que Paco Duke c'est un beau projet, c'est quelque chose qui a de l'allure là. Merci. Aussi. L'appareil t'est apparu avec un très beau premier disque et tout ça. Merci. Et il y a quand même eu, je dirais, aujourd'hui Touch of Groove. Est-ce que c'est deux projets que tu mènes en parallèle? Est-ce que c'est une suite? Comment vois-tu les choses? Touch of Groove m'a vampirisé. T'as vampirisé. Donc voilà, j'attends que la morsure se desserre un petit peu pour refaire vivre des choses plus personnelles ou autres. Voilà. D'accord. Pour l'instant, comme vous le constatez, on consacre nos efforts à défendre ce beau projet de Sylvain. Voilà, et je vais peut-être élargir du coup la question à l'ensemble du groupe. On l'a déjà mentionné tout à l'heure, mais vous êtes plusieurs, en tout cas au moins au sein du groupe, à participer aux compositions, oui. Que ce soit dans les textes ou dans la musique. Et donc, comment est-ce que ça se passe, ça? C'est des séances de travail en commun? Ça se passe bien, déjà. Oui, le résultat le montre. Comment ça se passe? En fait, sur l'ensemble de l'album, j'ai composé l'ensemble des morceaux. J'amène une chanson avec des arrangements, etc. Et puis je la soumets. Alors à ce moment-là, quand on a composé l'album, nous étions Paco et Letty et moi, en fait. Voilà, on n'était que tous les trois. Mmh. Le Covid étant passé par là, l'équipe précédente, voilà. Oui, il y a eu Olivier Ferrier à la batterie, d'ailleurs. Oui, voilà. Alors ça, c'est sur l'album. On en reparle. Voilà, on en reparle. Mmh. Mais au moment où on compose l'album, nous sommes tous les trois. Mmh. Et donc voilà. Donc j'écris les musiques, je fais les arrangements, et puis sur certains morceaux, c'est Letty qui écrit les textes, et puis sur d'autres, c'est Paco. Et voilà, alors comment ça se passe? Parfois on se donne un thème, mais parfois on s'en donne pas. Sur certains morceaux, Letty a dit ce morceau il m'inspire ça, donc elle part sur un thème. Puis sur d'autres morceaux, j'ai suggéré, notamment comme le morceau que l'on vient d'entendre tout à l'heure, People of the Damned, c'est un très beau texte de Paco qui parle d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Et donc, je lui disais, j'ai dit à Paco, j'aimerais bien que tu écrives un truc là-dessus qui va parler de la souffrance des gens, des Afghans. Plus profondément au cœur, Paco, pour ce texte absolument incroyable que je vous invite à lire sur notre album, que vous allez pouvoir trouver en vente à l'entrée, n'est-ce pas? Hein? Bon. Et vraiment, ce texte est magistralement écrit. Il décrit avec beaucoup de finesse, de doigté et de justesse la situation. Et vraiment, c'est un morceau magnifique. Voilà. En tout cas, à l'écouter. Quand bien même on ne saisirait pas tous les paroles en temps réel, à l'écouter, c'est une sacrée ambiance qui se met en place. C'est fort. People of the damned betrayed in their own land. Mm. Le peuple des damnés trahi dans leur propre pays. Mm. C'est lourd. Oui. Donc on vient de parler de votre capacité à composer vite et enfin pas vite, j'en sais rien, mais en tout cas fort et bien. Par contre, sur le disque, il y a quand même une reprise. Oui, absolument. Pourquoi une reprise? Pourquoi celle-là? Alors, pourquoi cette reprise? D'abord, on ne pouvait pas remercier, faire un clin d'œil à nos aînés, à ceux qui ont fait naître cette musique que l'on adore. On s'est dit que c'était important pour nous de remercier quelque part, et modestement bien sûr à notre niveau, une grande artiste qu'est Aretha Franklin, en reprenant un morceau. Alors évidemment, on a cherché un morceau, en tout cas peut-être pas forcément très connu, qu'on a arrangé à notre façon, qu'on a ramené dans notre univers naturellement, et il s'agit de Sweet Sweet Baby, mm-hmm. Since You've Been Gone, que l'on vous interprétera à la fin. Un petit peu plus tard, voilà, mais c'est prévu. De toute façon, on vous aurait pas laissé partir sans ça. Absolument. Donc, c'est quand même c'est impressionnant quand on parle d'Aretha Franklin. Enfin, c'est enfoncer une porte ouverte de dire que c'est une des plus grandes voix de tous les temps, mais c'est impressionnant le nombre de projets qu'elle a inspiré de son vivant et absolument. Après. C'est fou, quoi. Il y a des chouettes groupes à Paris qui font des tributes. On a ça à Nantes aussi. Enfin, il y en a un peu partout. Il y a des reprises dans tous les coins. Bien sûr. Des morceaux qui sont souvent un peu habités, d'ailleurs. Elle a aussi ce don pour transmettre cette espèce de truc qui fait que les gens qui la reprennent sont souvent habités de la même façon, quoi. Oui, alors après, c'est vrai que, bon, Aretha, mais il y en a d'autres. Etta James, on a eu l'honneur tout à l'heure d'avoir une interprétation d'un très bon morceau. Mais il y a des garçons aussi comme Sam Cooke. Voilà, Sam Cooke, c'est un artiste que moi j'adore, vraiment j'adore. Et il y en a d'autres. Enfin voilà. On va vous repasser la scène, oui. Les micros, les instruments. Et ben pour deux derniers titres et un bonus, annonçons-le tout de suite. Le bonus sera cette fameuse reprise de Aretha Franklin. On va regarder l'émotion que vous aurez en chantant ça. Touch of Groove dans Prune de Blues Live en direct du Zigo Bar à Nantes. Merci à vous. Others standing under the seas. All these fires somewhere deep in dreams. You turned to change and fly. You saw your parents leave. To cross the rivers, you had to build some bridges. Watching the very last snowflakes. Watch them fall in the haze. Hear them fall, hear the silent speech. Watching the very last snowflakes. No matter why, no matter how, the sun has risen. From the trampled earth, the flowers have grown. Despite the rainbow promise, leaves have fallen. Now the cold winter hurt my tired bones. Watching the very last snowflakes. Watch them fall in the haze. Hear them fall, hear the silent speech. Watching the very last snowflakes. Snowman's face. Watching the very last snowflake. Merci. Miss Letty au chant, mesdames et messieurs. Monsieur Paco Guégan à la guitare. Pour la petite info, la chanson que vous venez d'entendre, c'est notre futur clip. Et celle que vous allez entendre, c'est le clip qui est déjà en ligne en ce moment sur YouTube, qui s'appelle Breathe. Give us space, give us air. I'll take it back just long enough for us to care. Let us see, let us feel, let us hear the screaming nature, let us feel. Please let's do what it takes to get men to make amends for their mistakes. Give us time, time to see that life is all around us, all it asks is be. Breathe, oh breathe. You need to keep on breathing, let earth keep on breathing. Breathe, oh breathe. You need to keep on breathing, let earth keep on breathing. Help stop the fight, the fight for power. Make us smart enough so we can all live together. Make us weak, so sick of strong. Help pick to try to make things right. Don't let us wrong, we go wrong. Breathe, oh breathe. You need to keep on breathing, let earth keep on breathing. You need to keep on breathing, let earth keep on breathing. For what is best for, oh please let's do what it takes for them to finally make a man for their mistakes. Breathe, oh breathe. You need to keep on breathing, let earth keep on breathing. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec nous. On se rapproche de la fin. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour ces merveilleux musiciens. Je vais commencer par Paco à la guitare. Pascal. Mesdames et messieurs, elle nous a charmé toute la soirée, franchement vous êtes d'accord avec moi. Elle est incroyable, sérieux, elle est incroyable. Elle est gentille, elle est belle, elle a une voix de dingue. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour la talentueuse chanteuse de Touch of Groove, Miss Letty. Est-ce que vous avez envie de chanter ce soir? Alors avec moi! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! À vous! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Avec les mains! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Il y en a au fond qui jouent pas le jeu là! Hey! Tout le monde! Hey! Of Groove. On va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Donc il faut le dire. Une autre, une autre. Pendant que vous vous remettiez, moi je vais remercier Abou pour son accueil au Zigobar. On va remercier Patrick Pinault aussi à la vidéo et à la prise de son. Vous verrez bientôt tout ça en image. Arnaud Fradin à la technique. Voilà, et moi je suis Francis et Christophe et Rebecca ce soir. Et merci à Touch of Groove. Donc c'était Prune de Blues Live au Zigobar en direct. Et on termine avec un morceau bonus. À vous. Hey. me, baby, sweet baby. There's something that I just gotta say. Baby, baby, sweet baby. Let me hurt and get the real cold way. Speak your name. Ooh, and I feel like real. When you say I do. Prune de blues, le meilleur du blues actuel. Avec Rebecca, Christophe Moreau et Francis Rateau. Et la suite au prochain numéro.